Nous avons donc maintenant une demi-heure pour vos questions. Et on va faire comme ce matin, on va faire deux sessions. Enfin, comme ce matin, comme en début d'après-midi. Pardon, ce matin aussi. Il y avait des questions au fond. Enfin, devant. Claire Mitchell from Sheffield Hallam, the UK. I've got a question for Jennifer. Found your presentation very interesting. And I was wondering if you could say a bit more about the wider context in terms of how much these three women were involved in feminist movement in France, and also to what extent there was any kind of anti-colonial movement in France at the time that they were active, and that maybe influenced their positions. Je peux juste compléter. Est-ce que tu peux préciser dans ton titre la notion de réseau ? Bonjour, Rose Denguet, doctorante à Paris 7. Alors, j'ai une question pour Madame Boitton et puis une remarque pour Madame Farou. Alors, Madame Boitton, vous dites que les femmes, donc les journalistes, les voyageuses, elles sont plus ou moins accusées de collusion avec les nationalistes par le gouvernement colonial. Je voulais savoir si vous savez quelles étaient leurs réelles relations avec les nationalistes. Est-ce qu'il y en a eu déjà des relations étroites avec les nationalistes, et de quel type elles étaient? Et puis pour Camille Faurou, en fait, la réflexion que je me fais par rapport à votre communication les conséquences en fait des mesures prises en métropole sur le genre me rapprochent un peu de mon sujet de thèse, parce que en fait on voit bien que quand notamment les femmes obtiennent le droit de vote en 44 avec le Conseil national de résistance en France, c'est censé être étendu aux colonies, et donc par exemple au Cameroun qui est sous tutelle, et avec le double collège et donc les mesures restrictives qui sont mises en place parallèlement, on se rend compte que en fait les femmes ont en fait vivent un peu la double peine, quoi. C'est-à-dire la peine d'être colonisées, donc de ne pas répondre aux restrictions, comme beaucoup d'hommes aussi, mais en plus d'être femme, parce que voilà, quand on sait qu'il fallait par exemple savoir lire et écrire le français, et que la politique d'éducation n'était pas développée à l'époque. Donc voilà, enfin, ça m'a fait un peu penser à ça, qu'à chaque fois, effectivement, il faut peut-être faire une sorte de comparaison entre les lois générales prises en métropole et comment ils décident après d'appliquer ça dans les territoires coloniaux dans un souci de contrôle. Merci. Hi, Laura Sumley. I have a question for Jennifer. I'm just standing up because I can't see you. Just your name, please. Can you hear me? Oh, pardon. Okay, sorry, Laurel Sumley. And I had a question about Lucy Cousteau. And if I remember, and maybe you talked about this and I didn't hear it, but if I remember correctly, she also, around this time or before this time, also published articles on Du Rayon Sénégalais in Paris. And I'm wondering about the relationship between those two types of studies. If she was seen in the same way in terms of her political stance, if it changed because she was talking about African men in France, I'm sorry, it wasn't Paris, it was just in France in general, right? Versus talking about African women in Africa itself. And those, I remember reading them a little bit, and those were very sort of personal stories, sort of personal interactions with people. And I'm wondering if her report on La Femme d'Afrique was also that personalized, or if it was more general, since it was a critique of the colonial regime in general. I also have a question for Jennifer. And I was wondering how the public, you mentioned that these women published their writings in spite of colonial efforts to suppress some of what they said. So I'm wondering, when they published, what was the reaction or the impact that it made? Who were the readers of these publications, if you will? And just in terms of thinking about the larger literature of other non-official colonial people like André Gide, who were there, whose exposés caused the scandal, was there an impact in their writing in terms of thinking about the view of the wider French public about colonialism, or did they just kind of disappear in terms of public reaction and memory? Could you just add your name, you know, for the mic? Rachel Jean-Baptiste. Omar Carlier, Paris 7. J'aurais une question pour Jennifer Boitine. Y a-t-il éventuellement des relations entre ces voyageuses, ces pionnières, ces militantes, et des femmes qui pourraient se trouver sur place sans être des fonctionnaires ou des femmes installées en longue durée et qui néanmoins ont par leur métier même des possibilités de contact bien plus important avec les populations locales. Je pense aux femmes médecins et aux sages-femmes. Et puis j'ai deux questions pour vous. Y a-t-il une interaction éventuelle, si oui laquelle, d'un côté comme de l'autre, les intéressés et l'administration française, tant métropolitaine que coloniale, à propos des prisonniers, du retour des prisonniers? Première question. Deuxième question, qu'en est-il de l'arbitrage éventuel entre ceux qui partent sur les chantiers de l'Atlantique dans le cadre de l'organisation TOP et ceux qui seraient dans le départ pour l'Allemagne? Et là encore, comment, du point de vue de l'administration, c'est perçu et traité ou réglé dans la mesure où ça peut l'être, par exemple. J'ai une petite question aussi pour Camille. Est-ce qu'on sait comment est-ce que les candidats, finalement, ont été informés du discours de Laval? Parce qu'on, voilà, est-ce qu'on sait les modalités, finalement, le début du chemin? Et comment est-ce qu'ils informent l'administration? Quels sont les relais, finalement, de cette politique? Et je me demandais aussi comment les Allemands désignaient les Algériens. Alors, merci beaucoup. Thank you for all of these questions. And I think I have answers to at least a fair number of them. So I will do my best. I will try also and switch from English to French, depending on the questions. Language, so bear with me, I'll start in English. In terms of Claire's question about the wider context in the anti-colonialist movements, the one who was most directly, or the ones who were the most directly implied in the feminist movements were Camille Brevet and André Lévis. In fact, André Lévis's journalistic career started in the feminist press. And she established herself firmly as a journalist, starting actually in the turn of the century, really. And by the time she was traveling to the colonies in order to talk about formal political questions, it was after having transitioned from the feminist press to the mainstream press. And she's pretty rare in this sort of ability to have really moved. And she discusses her career very openly and, you know, several different times in interviews mentions the importance of, for a woman who wants to be a career journalist, of essentially not presuming that she'll get special treatment because she's a woman, and having to work possibly twice as hard. So she's open about this. But she remained an active feminist, more in sort of the, you know, mainstream press, everything from La Française by the turn of the century. But she starts even earlier in some of the really, you know, she's around Hubertine Auclair, publishes in some of the same newspapers as her as well. Camille Brevet was much more present on the international scene in terms of her sort of feminism. So she was accompanied by an English woman to Vietnam, Miss Pai, who was quite well known as a feminist, of course. and they were both there technically representing the international women's movement after they had been in fact designated to go study what feminists could do about Vietnam. So her connection is more to the international women's movement and not so much to the French women's feminist movement, although she was recognized there. In terms of the broader anti-colonial movements, this is a very complex question. It's actually something I cover more in my first book. This is part of a new project, obviously. And the answer is yes, there were. The anti-colonial movements of the French left were complicated because they basically never really went out on a limb and said there should be no colonialism. So they didn't really go as far as independence. That being said, there were a fair number of especially men from the colonies present, and they're the ones I study in the first book, who are present in France during the interwar years in particular. And they were really interested in trying to, at the same time, use the apparatus of the Communist Party to get access to newspapers, to get rooms that they could rent, to actually have a physical space or an intellectual space in which to express their anti-colonialism. And they ranged widely in their opinions from simply also wishing to sort of reform colonialism or asking for rights such as the right to the vote, full citizenship, and so forth, to, of course, those who were truly nationalist and who wanted independence. So there was a much broader movement. Of the three, the one who was probably most directly implicated in that broader movement was, in fact, Lucie Cousteau. And this goes to a different question about the tirailleurs. So Cousturier, of course, was initially more well known for having taught tirailleurs French during World War I, and then she wrote Mes Amis Chez Moi is the first one, sort of her story of the tirailleurs. And she's very sympathetic to them in many ways, although she does use the petit nègre that they were being taught actually by the French army. So she sort of waffles a bit between extreme sympathy and sort of defense of their position on the one hand, and on the other hand, replicating to a certain extent the sort of exoticizing discourse. This sets her up to then decide to go to Africa. So it's because of that experience that she goes to Africa. And she then, the two volumes she eventually publishes when the report is rejected are called Mes Amis Chez Eux. And one is focused mainly on a man, and the other one mainly on a woman. So she actually follows them both through to some extent. Now, let me see. Where there was another question. The reaction to publications question, which I wanted to get to as well. That one's also, first of all, let me tell you, where are they published? Dreux was very limited in its scope because it was actually the Édition Franco-Slave. That says something about her politics, obviously. And so it did not have the same sort of circulation as the text by Cousturier and Violis. Cousturier published with Rider et Compagnie, and Violis published with Gallimard. So you see there the prestige of the press obviously has something to do with the reception. I've traced the reception in various different types of presses. The feminist press generally tended to be really excited that women were writing about the colonies, and so they got reviewed pretty warmly within that press simply because of their status as women travelers. Some of the mainstream press came down very heavily against them because of their critiques, and others said, oh, isn't this a lovely story of exotic places? So there was a wide range of reactions, in truth, sometimes very virulently against them, sometimes extremely positive in its reception. The fact that they were reviewed that widely says something as well, right? It means they were being read at this time. So, in terms of the notion de réseau dans le titre, j'ai changé le titre. C'est une erreur. Le titre final est dans le résumé. journalistes, des écrivaines françaises en AOF et en Indochine pendant l'entre-deux-guerres. It's part of the unfortunate the fact that the shorter paper never made it into the hands of the translators that also had the new title. Il y a des réseaux. Donc les réseaux, je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Et les réseaux, je dirais qu'il y en a plusieurs. Premièrement, il y a le réseau des féministes françaises à travers, en particulier, le Conseil national des femmes françaises et l'Union pour le suffrage des femmes françaises, qui ont, si on va à Angers, des dossiers dans lesquels elles reçoivent des lettres de un peu partout dans l'Empire, des dossiers dont j'ai déjà parlé dans d'autres endroits, d'autres revues. Et ce qui est très intéressant dans ces dossiers, c'est qu'il s'agit non seulement de rapports de la part de féministes sur le rôle des femmes dans les colonies, sur ce qu'elles peuvent accomplir, mais aussi des lettres personnelles écrites par des femmes françaises qui sont outre-mer et qui se sentent complètement isolées parce qu'elles sont des milieux où il n'y a pas de féminisme, où ce n'est pas accepté. Et donc, j'ai publié un article qui parle de ces notions-là en Afrique du Nord, mais on retrouve aussi des lettres en partance de l'Indochine, de l'Afrique de l'Ouest, une lettre magnifique de l'AOF où une femme parle de son isolation et dit « s'il vous plaît, envoyez-moi quelque chose de féministe, je suis tellement perdue en Afrique de l'Ouest sans les réseaux féministes ». Donc ça, c'est un type de réseau qu'on retrouve. On parle de toutes ces femmes dans justement la française pendant l'entre-deux-guerres. Et souvent, ces femmes se retrouvaient dans les mêmes milieux pour présenter leur travail, pour débattre des questions du nationalisme dans les colonies, et ainsi de suite. Donc même si je n'en ai pas en fin de compte parlé dans ce texte, il y a un réseau à travers l'Empire qui existe tout à fait. Donc merci de la question. Et je crois, pardon, il y avait accusation de nationalisme, c'était une des questions, je pense. Très rapidement, Lucie Cousturier a été la seule à avoir été vraiment très accusée de ce point de vue, parce qu'elle avait énormément d'amis parmi justement les nationalistes, surtout en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils ont tenté de la discréditer en disant que ses amitiés avec justement des hommes noirs en particulier montraient qu'elle était anticolonialiste et donc on ne pouvait pas écouter ce qu'elle avait à dire parce qu'il ne fallait pas le prendre en sérieux. À l'anniversaire de sa mort, pendant les années, chaque année, la presse anti-impérialiste noire a toujours marqué l'anniversaire de sa mort. Donc, ils ont toujours écrit un article, édité la liste de ses écrits pour montrer leur affection avec tout ce qu'elle avait fait. Donc, il y avait des liens d'amitié très, très forts. Drevet, c'est sûr qu'elle était critiquée, qu'elle était remise en question de ce point de vue. Et pareil, mais c'est un petit peu différent pour Henri Violis, qui d'une certaine manière était la plus établie dans les milieux d'édition et dans les milieux journalistiques, et donc qui était un petit peu protégée. Et elle se défend face au ministre, par exemple, en leur disant... Henri Gabu, en disant, mais justement, on devrait pouvoir me défendre, il ne faudrait pas laisser raconter de telles choses dans la presse. Donc voilà. Et la dernière question, je crois qu'elle venait donc, et après j'aurais fini, je crois que c'est la liste. Alors, en ce qui concerne les relations entre ces voyageuses et les femmes sur place, donc encore une fois, Lucie Cousturier, justement, dans une de ses publications, là, il s'agit plutôt d'une femme africaine avec qui elle se lie d'amitié, et donc elle parle beaucoup dans... c'est le deuxième volume, Les Inconnus chez eux, mon ami Fatou Citadine, c'est le premier volume. Donc là, elle va vraiment se servir de cette femme africaine pour en parler. Et évidemment, surtout les femmes médecins et sages-femmes, parce que justement, c'est un des moyens. Et celles qui font partie de l'éducation. Elles vont tenter de leur parler. Je ne sais pas si ce sont exactement des amitiés ou des liens qui perdurent, mais en tout cas, elles passaient par ces femmes-là. Camille Drevet et Henri Violis ont leur parlé au départ, et vers la fin, l'administration a tout fait, vraiment tout fait, pour que plus personne ne leur parle parmi les colons, parce qu'elles étaient considérées comme non désirables. Et je m'arrêterai là, parce que vous avez aussi des questions auxquelles il faut répondre. Donc je vais commencer par répondre à Omar Carlier. À propos du retour des prisonniers, alors je me suis un petit peu intéressée à la question du retour, du retour des travailleurs, mais à travers cela, j'ai vu des choses intéressantes aussi sur les prisonniers. En fait, ce qui m'a frappée, c'est que pour le retour vers l'Algérie, on considère d'un même bloc les prisonniers, les anciens prisonniers de guerre et les travailleurs, STO ou volontaires. Alors que pour ce qui est des citoyens de métropole, on fait une grande différence entre ces différentes catégories. Donc il y en a qui sont très suspects au point de vue de la loyauté nationale et d'autres, au contraire, ce sont des victimes. Alors que pour ce qui est des Algériens, on a vraiment un bloc et leur loyauté nationale est entièrement suspecte. Il faut les rapatrier le plus vite possible. On a très peur de troubles, en fait. Et on pense qu'ils ont tous été influencés par la propagande allemande. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. La deuxième trace, en fait, des prisonniers de guerre que j'ai vus, c'est la question des enfants métis. Donc ça, c'est un peu plus tard, c'est en 1945. On a des enfants de pères nord-africains et de mères allemandes en Allemagne et qui sont abandonnés. Et donc, comme tous les enfants franco-allemands nés en Allemagne se posent la question du rapatriement. Et là, j'ai été assez frappée par ce que j'ai vu dans les sources, puisqu'en fait, on ne sait pas si on doit les rapatrier en Algérie ou en métropole. Et il y a un échange entre le ministère de la Population et les orphelinats, les pouponnières en Allemagne où ils sont. Et puis on décide finalement de regarder d'après les traits de l'enfant. Et ceux qui sont les plus blancs, en fait, sont envoyés en métropole, donc il y en a à peu près 15 sur 50. Et ceux qui ont des traits arabes sont envoyés en Algérie et donc deviennent des indigènes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez frappant. À propos de l'organisation TOTE, en fait, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais finalement, il y a une sorte d'arbitrage, puisque les travailleurs qui étaient volontaires pour le départ en Allemagne, sont vraisemblablement recrutés pour l'organisation TOTE. Parce qu'à la même époque, dans ces convois entre Alger et Marseille, on a des listes énormes de travailleurs pour l'organisation TOTE. Donc, on peut penser que le compromis aurait été, puisque vous ne voulez pas... on ne les laisse pas partir en Allemagne, mais d'accord, les Allemands peuvent les utiliser, mais simplement, on garde le contrôle territorial. Ils restent en métropole et voilà. La façon dont ils sont informés de la possibilité de partir en Allemagne, donc les sources insistent beaucoup sur cette date de la retransmission du discours de Laval, et en fait on a l'impression qu'après ça se diffuse très vite par le bouche à oreille, puisqu'on a des gens de régions de plus en plus éloignées qui s'inscrivent. La façon dont on désigne les Algériens, en fait, en Algérie, c'est entièrement pris en charge par l'administration coloniale, puisqu'il n'y a pas d'occupation. Et donc, on fait une sélection sur les capacités, sur la santé, etc. Je veux dire le mot en allemand. C'est-à-dire ? Est-ce qu'on les dit français-musulmans ? D'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans les sources, c'est que on les dit. Dans les contrats, ils sont marqués français entre parenthèses algériens, parfois simplement français. Par contre, on voit dans la religion, il y a toujours souvent dans la religion, ils sont musulmans. Pour ce qui est des rapports de police où on demande la race, en fait, ils sont marqués ariens parce que la question derrière la race, c'est juif, non juif. Et donc, si on est non juif, on est arien. Ça, c'est des rapports de la police française. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes si quelqu'un ou quelqu'une a une petite question. Ça me paraît très bien comme ça. Alors, je remercie tous les intervenants de l'après-midi. Et puis, je crois qu'on peut, pour ceux qui ne nous suivent pas, rue Jacob, remercier aussi les organisatrices du colloque pour son très bon déroulement. Et pour les autres, rendez-vous dans 20 minutes, rue Jacob, pour les conclusions. Ils sont au même timing. Alors, on attend de marcher dessus. D'accord.